Janvier 1803. L'hiver s'est installé, la vie a ralenti son flux. Les plus forts font le dos rond. Les faibles et les vieux se demandent s'ils en verront le bout. Une fois encore, engagés dans ce tunnel sans fin, ils n'osent se dire que les forces pourraient leur manquer. Ils n'osent se laisser aller à être découragés. Et pourtant, quelle faiblesse soudaine! Pierre est taraudé par le poids du silence. Cette identité noire et secrète tourne à l'obsession. Aucun contact n'est possible, c'est sûr, mais seulement pouvoir imaginer, se représenter, rêver. Comment rêver de l'étranger, de l'autre, sans rien que la mention de cette noirceur, cette négritude, sans autre grain à moudre qu'une géographie sommaire, les Amériques, Saint-Domingue, les plantations, la canne à sucre, les esclaves, naviguer, la mer, l'océan, changer le monde, le nouveau monde. Nulle image, nul récit, l'encyclopédie de son imaginaire est pleine de vide, de pages arrachées ou manquantes. Le noir de ces hommes est une tache immense et sans fond qui dilue toute forme. Quels hommes est-ce là? Peuvent-ils lui ressembler? Peut-il, lui, leur ressembler? Ce qui lui semble une question plus grave encore. Il faut un pain quotidien aux rêves pour exister nuit après nuit et déployer leurs ailes. Ce pain des rêves, Pierre se ronge de ne pas le trouver. Quelque chose en lui crie famine sous l'apparente impassibilité du quotidien, sous la monotonie confortable du service. Le service, à propos, pour l'instant, c'est pas le mène au corps de garde. Là, le vieux maréchal des logis. C'est un bon bougre. Quand la jeune recrue va le saluer pour la première fois, il lui serre la main. « C'est qu'on est homme là-dessous » dit-il en montrant l'uniforme. Sans calcul, sans dessein, il est sincère. Il est humain. Après des années de campagne, c'est un survivant. Mais il ne tient rigueur à personne de ce qu'il a enduré. Cette fois, il est seul. Et comme il n'est jamais loin de sourire, Pierre reste et traîne. C'est que ça presse en lui. Ça déborde. Même s'il a peur. Qu'il ait remarqué quelque chose ou pas, le vieux soldat ne dit rien. Alors Pierre, du bout des lèvres, « Vous en avez vu ? Vous ? Des noirs. Hein ? Vous savez à quoi ? À quoi il ressemble ? » Puis il se tait, attend l'orage ou... Après un moment, la réponse vient, à haute voix. Cette question, bien sûr que j'en ai vu. Je sais, il n'y en a plus dans la troupe à présent, mais pardi, j'en ai vu sous l'uniforme, comme moi. Tiens. En Italie, on en avait même un qui était général. Non. Général, que je te dis. Général de l'armée de la République. Dumas, qu'il s'appelait. Tu veux savoir à quoi il ressemblait? Ce qui le rendait différent de nous? Eh bien, il avait les bras comme mes cuisses. Et les cuisses comme des troncs d'arbres. C'était un géant. Un Hercule. Il soulevait son grenadier, tout équipé, à bout de bras, sans effort. Il tranchait son Autrichien en deux, d'un coup de sabre et d'un seul. À part ça, une tête comme toi et moi, avec ce qu'il faut pour voir, entendre, sentir et parler. Une toison noire est finement bouclée sur le crâne et la peau de la couleur de cette table quand d'aventure on l'a cirée. Tu peux me croire, beaucoup auraient voulu de sa différence. Mais pas tous, je te l'accorde. Et l'autre, en bas? L'autre, ah, Toussaint. Toussaint, c'est son nom? Toussaint l'Ouverture, oui. L'Ouverture? Quel drôle de nom. C'est un nom de guerre. Ah, c'est pas le même gabarit, sûr. Celui-ci, il est plutôt chétif et mal foutu. N'empêche, entre nous soit dit que général, il l'était aussi, et que son nom de l'Ouverture, il l'a gagné contre les Anglais et les Espagnols. Ah, il ne devait pas être le dernier à donner dans la boutonnière lui non plus. Et il ponctue ces mots d'un grand rire et d'un geste de sabreur, précis et brutal. Remonté comme un ressort, Pierre sursaute et s'enfuit. Mais là, il rit. Il vit. Entre deux escaliers, au coin d'un corridor, il dégaine une lame imaginaire, il s'en donne à cœur joie. Il tient ses héros. Ça pourrait être lui. Ça devrait être lui. Tout rentre dans l'ordre. Un coup d'estoc, un coup de taille, et que je brasse de l'air. Moulin avant et Don Quichotte, tout à la fois. Gare devant, derrière, à côté. Du monde. On vient. Électrique, Pierre détale et disparaît dans l'obscurité d'un couloir.